Cadeau pour Idrus. Lecture de son texte, Ce qui se terre dans la forêt. Août 1980. C'était ridicule. Rémus se sentait bien. D'aussi loin qu'il se souvienne, il n'avait jamais été aussi en forme. Il n'avait pas eu la sensation que ses organes étaient écrasés par sa cage thoracique depuis des semaines. Il n'était plus essoufflé en montant les escaliers. Ses chevilles et ses genoux ne le faisaient plus souffrir. Il pouvait se lever d'un bond sans que sa vision ne s'obscurcisse, que son dos ne se couvre d'une sueur froide. Il avait marché jusqu'ici sans que sa gorge ne se serre, sans peiner à remplir ses poumons. Il allait bien. Qu'importait ce qui lui était arrivé presque un mois plus tôt, hallucinations, rêves particulièrement réalistes ou délires éveillés, il s'en fichait. Il n'en gardait aucune séquelle. Mieux, il n'avait plus l'impression d'habiter le corps d'un vieillard, mais enfin celui d'un homme de 20 ans. Même la docteur Evans l'avait confirmé, il allait parfaitement bien. Cette visite chez les sorcières Black était stupide. Rémus avait été mis en garde contre elles toute sa vie et s'était tenu éloigné de leur domaine et de leur rejeton comme on le lui avait enseigné. Quérir leur aide aujourd'hui, alors que rien ne le justifiait, était en contradiction avec tout ce qu'il avait appris. Et quel temps perdu. Il avait mieux à faire de sa matinée, maintenant qu'il était enfin en forme. À commencer par rattraper tout ce qu'il n'avait pas pu faire enfant. Il avait envie de courir. Il voulait enfin explorer le paysage dans lequel il avait grandi sans pouvoir en jouir. Il voulait rejoindre ses amis, passer la journée dehors, regarder la lune se lever. Pas s'enfermer, avec des bonnes femmes, dans un manoir décrépit au fond des bois. Il émergea des arbres, sa mère sur ses talons. De lourds nuages gris obscurcissaient le ciel derrière la bâtisse, mais un soleil cuisant frappait son toit d'ardoise. Une mousse d'un vert vif couvrait ses flèches, parapets et escaliers. Du lierre aux feuilles scintillantes de pluie masquait une partie de sa façade. L'endroit était moins sinistre que ce qu'il avait imaginé. La vieille pierre ne semblait pas entretenue, mais l'édifice tenait debout, imposant, dans la nature environnante. Ses cheminées crachaient une fumée à l'aspect cotonneux qui embaumait l'atmosphère de son parfum de feu de bois. Il s'y mêlait celui des centaines de fleurs sauvages qui envahissaient son jardin. Lui aussi paraissait abandonné. Des plantes grimpantes engloutissaient des statues, desquelles n'émergeait qu'un bras, ou une tête noircie par l'humidité. Un puits écroulé était presque avalé par un tapis de ronces. Le chemin d'aller jusqu'aux escaliers du perron était grignoté par les mauvaises herbes. Une libellule frôla son oreille en vrombissant. Rémus se crispa et la suivit des yeux jusqu'à une mare où elle se posa sur une plante aquatique. Ses ailes nacrées frémirent un instant en captant la lumière du soleil, puis s'immobilisèrent. À côté de lui, sa mère ajusta son tailleur avec un soupir. Rémus se retint une énième fois de lui demander ce que son dieu pouvait bien penser du fait qu'elle enfile ses habits du dimanche pour rendre visite à des sorcières. « Allons-y, » soupira-t-elle les bras tendus. Elle se remit en marche. Rémus allait l'imiter avec mauvaise volonté lorsque du mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention. Un chien noir, immédiatement familier, s'asseyait à l'orée des bois. Pas de faute. Leurs regards se croisèrent et l'animal pencha la tête sur le côté. Sa queue touffue frappa le sol. Rémus sourit et avança dans sa direction pendant que sa mère rejoignait les escaliers. « Salut, toi » murmura-t-il en s'accroupissant devant le chien. Des morceaux de feuilles étaient accrochés à son pelage luisant. Pas de faute émit un son plaintif, puis laissa pendre sa grande langue rose. Il inclina la gueule à la rencontre de sa paume lorsqu'il lui caressa le crâne. Sa truffe humide rencontra son poignet et la chaleur de son soupir percuta sa peau. Ses yeux gris se fermèrent. Rémus n'était plus très sûr de ce qui l'avait amené à lui donner ce nom, ni de l'âge qu'il avait la première fois qu'il l'avait vu errer près de l'école. S'il ne semblait pas avoir de maître, il n'était pas sauvage pour autant. Rémus avait passé des heures à le gratter derrière les oreilles à lui frotter le ventre et à recevoir de grands coups de langue sur les mains et le visage en retour. Il l'avait vue presque tous les jours pendant son adolescence, mais de moins en moins souvent dans les mois qui avaient précédé son départ pour ses études. Maintenant qu'il ne revenait à Grimaulde que pour les vacances, il était rare qu'il le croise. Le retrouver en bonne santé était un soulagement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » interrogea-t-il en souriant de son expression extatique. « Rémus ! » l'appela sa mère avec urgence. Il se tourna à moitié pour constater qu'elle était déjà en haut des escaliers. Il soupira. Padfoot profita de son inattention pour fourrer sa truffe contre sa gorge. Rémus eut un mouvement de recul et ne dut son salut qu'à la main qu'il avait enfoncée dans l'humus pour garder son équilibre. Un grondement sourd s'éleva. Padfoot recula, les babines retroussées. Ses poils se dressèrent sur son échine et ses oreilles s'aplatirent. Stupéfait par son changement d'attitude, Rémus le regarda s'éloigner à reculons, puis détaler avec un couinement. Le cœur serré, Rémus se releva alors que le chien disparaissait entre les arbres. C'était la première fois qu'il voyait Padfoot depuis son retour à Grimaulde, et il semblait avoir réussi à le vexer. Il se détourna des bois avec un soupir, puis suivit le même chemin que sa mère en frottant ses mains sales sur son jean. Il la rejoignit sous le préau vermoulu, en haut des marches, où elle s'attela à redresser le col de sa chemise. « On perd notre temps, » maugréa-t-il. « Peut-être, » concéda Hope en le recoiffant du bout des doigts. « On ne le saura que si on essaye. » Elle esquissa un sourire vaillant qui n'effaça pas l'inquiétude dans son regard, puis se tourna vers la porte. La peinture noire de ses moulures s'écaillait. Un énorme heurtoir en forme de serpent se trouvait au milieu. La sensation qu'il n'avait rien à faire ici s'accentua. Comme tous les enfants du village, on lui avait asséné de ne pas s'approcher de la maison des sorcières Black, de ne pas se promener dans la forêt qui entourait leur domaine. Les rumeurs à leur sujet étaient tenaces, abracadabrantes et contradictoires. Sorcières malfaisantes, voyantes, persécutées, mangeuses d'enfants, ermites incomprises, on les disait tantes, nièces, cousines ou amantes. Lesbiennes, prostituées, adoratrices du démon, alchimistes ou magiciennes. On disait d'elles qu'elles avaient sacrifié mari et fils en échange de leur pouvoir. Qu'elles pouvaient guérir maux et malédictions contre un morceau d'âme à condition d'être une femme. Que les hommes qui s'aventuraient sur leur territoire en revenaient fous, lorsqu'ils revenaient. Le serpent d'argent luisait de façon sinistre. Rémus se malassa l'épaule avec un frisson. Hope lui serra le bras et frappa le heurtoir avec force. La porte s'ouvrit presque aussitôt sur une petite créature d'une laideur effroyable. Tétanisé, Rémus soutint son regard moutarde. De grandes oreilles, entre celles d'un éléphant atteint de jaunisse et les ailes d'un papillon difforme, étaient dressées sur sa tête chauve. Ses yeux globuleux transpiraient l'irritation et mangeaient la moitié de son visage au nez pointu. Il était couvert de guenilles repoussantes qui laissaient ses membres bilieux nus, tout comme ses petits pieds aux longues griffes posées sur le marbre noir de l'entrée. Il faisait la taille d'un enfant, mais ressemblait à un sexagénaire hideux. Rémus fit un pas en arrière, décidé à retourner au village. Il n'avait pas besoin des Blacks. Il avait fait un rêve étrange, voilà tout. Il avait halluciné. Les médecins n'avaient rien trouvé d'inquiétant chez lui. Il était, pour la première fois de sa vie, en parfaite santé. Sa mère se faisait une montagne d'une minuscule bizarrerie. Il combattit sa poigne sur son coude et attrapa le sien pour l'éloigner de la porte. « Allons-nous-en !» Une femme apparut dans l'encadrement. Son regard d'un gris polaire tomba sur Rémus et le figea. Une longue robe noire ne dégageait que sa tête, d'une extrême pâleur où des cheveux sombres étaient tressés en couronne. Son visage lisse, sans âge, était à la fois magnifique et terrifiante froideur. La mère de Rémus posa une main rassurante sur celle qui s'était agrippée à son bras. « Bonjour, » murmura-t-elle. « Désolée pour cette visite à l'improviste, je suis au plus pin, et voici mon fils, Rémus. » La sorcière, Rémus n'avait maintenant plus aucun doute, le quitta brièvement des yeux pour jauger Hope. Ses lèvres fines sourirent sur un rire moqueur lorsqu'elle le regarda à nouveau. « Rémus Lupin, » répéta-t-elle d'un ton ironique. « Nous aurions besoin de vos conseils, » poursuivit sa mère, « s'il vous plaît. » L'expression de la femme se fit songeuse. Après un instant de silence, elle lâcha l'embrasure de la porte pour disparaître à l'intérieur de la maison. « Créature, t'es !»« Oui, maîtresse, » grinça l'effroyable gobelin jaune. Après un dernier regard méfiant, il s'effaça pour les laisser entrer. Le salon sentait la cigarette, la sauge et la cire. Le soleil, pourtant agressif, peinait à repousser l'obscurité imposée par la tapisserie noire. Les meubles acajou et le parquet sombre. Des bougies étaient allumées aux quatre coins de la pièce et un feu ronflait dans la cheminée à pattes de dragon. De hautes plantes, aux feuilles ténébreuses, s'agitaient dans leur peau, comme dérangées par des créatures invisibles. Rémus s'était attendu à des herbes suspendues aux poutres pour sécher, des chaudrons, des bocaux au contenu repoussant. À la place, ils trouvèrent une rangée de petites têtes fripées, accrochées telles des trophées de chasse au-dessus d'un piano. Les murs étaient saturés de cadres, dans lesquels des portraits de femmes au parfait visage arctique les jugeaient. Une dizaine d'animaux empaillés, figés dans des poses morbides, étaient dispersés dans la pièce. Juché en haut d'un vaisselier, un corbeau les observait de ses yeux luisants. Chaque regard, vivant, mort, réel, factice, pesa sur Rémus comme autant d'enclumes. Madame Black leur désigna négligemment un canapé de cuir noir, dos aux fenêtres, où ils s'assirent. En face, deux femmes vêtues de robes sombres les dévisageaient depuis les fauteuils dans lesquels elles étaient installées. Leurs traits étaient presque identiques, mais celle de droite avait noué ses cheveux blonds en un chignon, et ses yeux étaient aussi froids et dédaigneux que ceux de leur hôtesse. Celle de gauche était brune, et ses longues mèches bouclées cascadaient sur ses épaules. Il y avait dans son regard, pourtant d'une chaude couleur chocolat, quelque chose de sinistre qui glaça Rémus. Narcissa, Bellatrix, les présenta succinctement à Madame Black, en prenant place entre elles dans une bergère. « Bonjour, » les salua Hope. Un petit coup de coude dans ses côtes encouragea Rémus à faire de même. « Vous êtes donc... » Walpurgia, supposa sa mère. Leur hôtesse acquiesça vaguement, distraite par l'entrée de créatures. Un service à thé et tremblait dans le plateau en équilibre sur une de ses mains jaunâtres. Bellatrix, accoudée au bras de son fauteuil, appuya sa mâchoire contre son poing en fixant Rémus avec un intérêt sournois. Narcissa tira un étui d'argent du prude décolleté de sa robe et l'ouvrit dans un petit clic métallique. Elle y prit une longue cigarette, referma la boîte et la rangea. « Régulus, » appela-t-elle alors que Créature déposait le plateau sur la table basse. Le prénom interpella Rémus. N'était-ce pas celui d'un des enfants Black, un garçon chétif mis de côté à l'école pour son appartenance à cette famille étrange? Ce ne fut néanmoins pas un jeune homme qui répondit à son appel. Ce fut le corbeau qui sauta du haut de son meuble pour se poser sur la table. Rémus et sa mère sautèrent de concert. L'oiseau rabattit ses ailes. Avec son bec, il attrapa une longue allumette dans un récipient en cristal. Il décolla à nouveau, pour cette fois atterrir sur l'épaule de Narcissa, qui tourna la tête vers lui. Le bout de l'allumette flamba, sans intervention humaine ni mouvement de la part de Régulus, et Narcissa lui y alluma sa cigarette. Le corbeau quitta son épaule et retourna se percher sur le vaisselier. Il ouvrit son bec. L'allumette chuta pour s'écraser dans un ramequin en contrebas. Narcissa souffla sa fumée vers le plafond. Créature s'inclina, la tête presque au niveau du sol, puis sortit de la pièce. Bellatrix renifla de façon délibérée, le regard toujours rivé sur Rémus. Sur la délicate dentelle de la table, le service en porcelaine était orné de crânes humains peints en noir. Les mains crispées sur ses cuisses, Rémus prit une grande inspiration. Il jeta un coup d'œil à sa mère, prêt à la supplier de partir. Il n'avait rien à faire là. Tout dans l'atmosphère lui hurlait de fuir. Son cœur battait si fort et si vite qu'il entendait à peine le pendule de l'horloge, pourtant affreusement bruyant dans le silence. Il vit, horrifié, sa mère tendre la main pour attraper une tasse avec un remerciement poli. Ne voyait-elle donc pas qu'il n'était pas les bienvenus ? Il devinait sa tension dans la crispation de son visage, dans la raideur de sa posture, mais la voilà qui ajoutait une cuillère de sucre à ce qui était probablement du poison. « Je vous remercie de nous accueillir, » dit-elle d'un ton mesuré. « Nous sommes venus vous voir car Rémus s'est réveillé dans les bois il y a quelques semaines. Il était blessé à l'épaule, mais avant que nous puissions l'emmener à l'hôpital, la blessure a... » Le cri strident d'un bébé interrompit sa mère. Narcissa soupira sa fumée, excédée. Le corbeau quitta à nouveau son perchoir et sortit de la pièce par la double porte menant à l'entrée. Walpurgia haussa un sourcil avec impatience. La mère de Rémus reprit la parole. « La blessure, la morsure !» corrigea sévèrement la sorcière. Hope inclina la tête avec un sourire crispé. Rémus se tendit un peu plus. Ces femmes savaient de quoi il parlait. L'hypothèse d'un délire collectif s'écroulait. Sa mère jeta un nouveau coup d'œil en direction du couloir, d'où leur parvenaient toujours les pleurs d'enfants. La morsure a disparu quelques instants, après que Rémus soit rentré à la maison, termina-t-elle néanmoins. « Et qu'attendez-vous de nous ?» demanda leur hôtesse. « Eh bien, y a-t-il une raison de s'inquiéter ?» Narcissa et Bellatrix eurent un gloussement identique. « Rémus se sent bien, » poursuivit Hope, « mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'étrange. » Walpurgia roula des yeux. La mère de Rémus remit sa tasse dans la coupelle posée sur son genou, sans y avoir porté les lèvres. Derrière les trois femmes, les têtes fripées et les créatures empaillées les fixaient d'un regard vide. Les portraits jugeaient Rémus avec dégoût. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Un poignard en argent dans le cœur ? Répondit sèchement Walpurgia. Avant la prochaine pleine lune, de préférence. Renchérit Narcissa avec ennui. Bellatrix leur offrit un sourire carnassier. Les cris d'enfants s'éteignirent et le cœur de Rémus s'enfonça dans son ventre. « Pardon ?» souffla Hope. « C'est la seule chose à faire. » La mère de Rémus prit une inspiration audible. Avec des gestes lents, elle déposa assiette et tasse au décor morbide sur la table basse, puis lui tapota le genou avec un sourire figé. « Rentre mon cœur. » Elle se leva et ajusta son tailleur en s'éclaircissant la gorge. Merci pour vos conseils. C'est dans votre intérêt, Madame Lupin, insista Walburgia. Merci, répéta Hope d'un ton qui signifiait qu'elle en avait terminé. Allons-y. Rémus se mit péniblement debout, écrasé par la sensation que le monde venait de lui tomber dessus. Les mains tremblantes et les yeux écarquillés, il soutint le regard des sorcières Black, puis suit sa mère dans l'entrée. Un croassement attira son regard vers le haut des escaliers noirs où le corbeau le fixait de ses inquiétantes billes d'obsidienne. « Bon retour !» leur souhaita créature dans un grincement sarcastique. Rémus pivota vers lui avec effroi. Planté à côté de la porte, la créature leur offrit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux globuleux. Il tourna la poignée de ses doigts noueux et Hope poussa presque Rémus jusqu'à la sortie. Le soleil l'éblouit après la pénombre de la maison. Rémus croyait pouvoir respirer en retournant dehors, mais l'atmosphère lui sembla encore plus étouffante. Il défit fébrilement les premiers boutons de sa chemise. D'une main dans son dos, sa mère l'encouragea à descendre les escaliers vers le jardin. La vie qui égrouillait l'oppressa. Les bourdonnements d'insectes, le bruissement des feuilles, tout était trop fort. La façon dont la nature avalait les lieux de ses branches, lianes et épines, le mélange de couleurs de ses fleurs trop odorantes, le miroitement du soleil dans les temps, tout était agressif. Sa cage thoracique se serra. Une sueur froide couvrit son dos et sa nuque. Il chercha Padfoot des yeux, mais le chien n'était pas revenu. Il ne savait que penser de ce qui venait de se produire. Ces femmes inquiétantes, dont la réputation semblait mériter maintenant qu'il les avait rencontrés, savait exactement ce qui lui était arrivé. Leur connaissance des faits les rendait réels. Il s'était bien réveillé dans la forêt, une morsure à l'épaule. Sa blessure avait bien disparu quelques minutes après que sa mère l'eût nettoyée avec frénésie. Il n'avait pas partagé un délire étrange avec elle, il n'avait pas rêvé. La guérison des maux qu'il avait poursuivis toute sa vie n'était-elle que le chant du cygne? Était-ce le présage d'une catastrophe? Que craignaient les sorcières pour conseiller à sa mère qu'on le tue? L'argent, la pleine lune. Pensait-elle qu'il allait se transformer en loup-garou? Un rire s'étrangla dans sa poitrine alors qu'il rejoignait les sous-bois. Leur fraîcheur caressa sa gorge humide et l'aida à enfin remplir ses poumons brûlants. Il ne croyait pas à ce genre de choses. Ce n'était que du folklore, des contes pour effrayer les enfants et les tenir éloignés du danger. Comme les histoires de sorcières vivant au fond des bois, avec un corbeau de compagnie et un serviteur monstrueux. « Foutue bonne femme !» marmonna sa mère, qui avançait d'un pas vif le long de l'étroite piste entre les chênes. « Je suis désolée, mon cœur. Tu avais raison, c'était une perte de temps. » Rémus déglutit, les épaules frémissantes. Il ne répondit pas. Qu'avait-il à dire? Ils se frayèrent un chemin au milieu des fougères tachetées par le soleil. La respiration rapide de Rémus lui apportait l'odeur apaisante de la végétation. La quiétude des lieux avait dû le calmer et chaque pas qu'il éloignait de la demeure des sorcières Black le soulageait un peu plus. Pourtant, son cœur battait à tout rompre. Il frotta ses mains moites sur son jean, la mâchoire contractée. Du rouge, dans ce paysage de terre et de verdure, attira son attention. À plusieurs mètres d'eux, une personne était adossée à un arbre. La flanelle de sa chemise à carreaux tranchait avec les couleurs ambiantes. Aussitôt sur ses gardes, Rémus se tendit et attrapa l'épaule de sa mère pour l'arrêter. Il la contourna, le regard rivé sur l'inconnu qui se décolla soudain du tronc pour leur faire face. Malgré le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, Rémus le reconnut sur le champ. La pâleur de son visage qui tranchait avec la noirceur de ses cheveux mi-longs et mal peignés, cette allure désinvolte et ce mince sourire alors qu'il approchait, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ses yeux gris qui luisaient comme du métal sous le soleil, chaud et glacé à la fois. Sirius Black. Rémus l'observa les rejoindre d'un pas tranquille, stupéfait. Sirius avait disparu la veille de ses 16 ans. Tous les élèves de leur école, Rémus compris, avaient été interrogés par la police. L'affaire avait relancé et alimenté les rumeurs autour de sa famille. Les anciens du village avaient murmuré que les sorcières Black l'avaient sacrifié pour rester jeune. Rémus, lui, s'était accroché à la théorie selon laquelle il avait fugué, car aucune alternative ne laissait d'espoir quant à sa survie. Ils n'avaient pas été amis. Ils s'étaient à peine côtoyés, malgré des années dans la même classe. Sirius, séchant la quasi-totalité des cours et la réputation des Blacks, le suivait comme la peste. S'il était capable de le reconnaître aujourd'hui, c'est parce qu'il avait nourri une certaine fascination pour cet adolescent insaisissable, impertinent et gracieux. Il avait terriblement regretté de n'avoir jamais osé lui dire. Il s'était, en quelque sorte, senti coupable de sa disparition. S'il avait eu le courage de l'aborder et de passer outre les rumeurs, cela aurait-il changé quelque chose? De ses maigres tentatives, il n'avait récolté que des sourires étranges et des regards scrutateurs. Exactement l'expression que Sirius affichait en s'arrêtant devant lui aujourd'hui. Le revoir après plus de 4 ans était très perturbant. Il avait pris en maturité, il avait grandi, et s'était épaissi. Mais Rémus eut l'impression d'avoir à nouveau 15 ans. Quand son cœur s'emballait lorsqu'il le voyait entrer en classe après des jours d'absence, quand il ne pouvait s'empêcher d'épier ses moindres faits et gestes, sachant qu'il pouvait décider de s'éclipser entre deux battements de paupières. Peut-être que son nom l'avait influencé, mais Rémus lui avait toujours trouvé quelque chose de magique, un éclat qu'il ne percevait chez personne d'autre. Il avait admiré sa volonté farouche d'être libre, son détachement, sa capacité à exister sans se plier aux règles. Il l'avait envié. Un peu détesté aussi, parfois. lui-même s'était senti enfermé, dans un corps qui l'empêchait de vivre et dans un quotidien répétitif. Sirius avait été une curieuse bouffée d'air chaque fois qu'il leur faisait la grâce de sa présence. Les jours où il apparaissait lui avaient semblé plus lumineux. Sirius décrocha son regard du sien pour le baisser vers sa gorge. Sa tête s'inclina sur le côté et son bras surgit pour tirer sur le col ouvert de sa chemise. Rémus se tendit un peu plus, le cœur si bruyant dans ses tympans qu'il n'entendait pas la grande inspiration qui écarta les narines fines de Sirius. Il pouvait sentir ses doigts frais sur sa clavicule. Ses oreilles se bouchèrent lorsqu'il avala sa salive. Sirius étrécit les yeux. Même à contre-jour, même obscurci par ses cils, il restait si clair qu'il donnait l'impression que la lumière en émanait. Ébloui, Rémus les abandonna du regard et s'arrêta sur une petite brindille coincée dans ses cheveux ternis de poussière. Sirius renifla à nouveau et fondit en avant. Pétrifié, Rémus ne put que lever les mains et écarquiller les yeux. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Des lèvres douces se posèrent à la jonction contre son épaule et son cou. Là où la morsure qu'il n'était plus sûr d'avoir rêvé avait disparu. Une curieuse sensation l'envahit, sirupeuse comme du miel, veloutée comme un nuage, et s'écoula de sa blessure absente à ses extrémités. Pris de vertige, il s'agrippa au bras de Sirius. Ses biceps roulèrent sous ses paumes lorsqu'il recula avec une expression satisfaite. Rémus prit une vive inspiration, les poumons et le visage brûlants. Il lâcha Sirius. « Est-ce que je suis guéri ?» C'était la seule explication rationnelle que son esprit embrouillé lui avait fournie. Pour quelle autre raison Sirius, qui le connaissait à peine, aurait embrassé l'endroit exact où il avait été mordu sans même lui adresser un mot? Comment justifier autrement ce ruissellement apaisant le long de ses nerfs? Il devait savoir, comme les femmes de sa famille, ce qui lui était arrivé. Il devait savoir comment l'aider. Les sourcils de Sirius se froncèrent, puis se haussèrent. Après un instant de silence, il éclata de rire. Rémus se raidit. Le son se réverbéra autour d'eux alors que Sirius se penchait en se tenant le ventre, hilar. Une bouffée de chaleur envahit Rémus et couvrit son dos de transpiration. Il avait à nouveau 15 ans, timide, mal à l'aise, perturbé par ce garçon étrange qu'il n'arrivait pas à saisir et qui semblait se moquer de lui le peu de fois où il lui avait adressé la parole. « Oh merde !» Gémit Sirius entre deux éclats. C'était tellement mignon. Le visage de Rémus s'empoupera un peu plus. Il jeta un coup d'œil gêné à sa mère, qui surveillait l'échange avec circonspection. Sirius s'éclaircit la gorge, rit encore, puis réussit à reprendre contenance. « Non, tu n'es pas guéri, mais j'ai peut-être une solution pour toi. » « Une solution ?»« Mardi. Retrouve-moi à l'orée de la forêt interdite avant le coucher du soleil. » Rémus ne sut pas formuler sa question, perturbé par le clin d'œil et la courbette que Sirius adressa à sa mère. Il observa tourner les talons et s'éloigner en direction du village avec les mains dans les poches. La densité des bois le rendit rapidement invisible. Rémus jeta un regard stupéfait à sa mère. Elle lui sourit, entre hésitation et amusement. « Il est charmant. Il est censé avoir disparu, » murmura-t-il, soufflé. « Si je devais vivre là-dedans, » répondit-elle avec un coup de menton derrière eux. « Moi aussi, je me serais enfui. » La pleine lune se levait ce soir-là. Elle n'était pas encore visible dans le crépuscule, mais Rémus la redoutait aussi irrationnelle que ça lui paraisse. Il était rempli d'une énergie nerveuse qui fourmillait dans ses membres et l'empêchait de tenir en place. Il avait été irritable toute la journée et avait plusieurs fois songé à ne pas rejoindre Sirius. Ça ne pouvait qu'être une blague d'une famille dérangée. Les loups-garous n'existaient pas. Sirius allait l'humilier s'il le retrouvait dans les bois. Hope avait néanmoins été déterminé à ce qu'il s'y rende. D'abord réfractaire, Rémus avait fini par se laisser convaincre. S'il se passait réellement quelque chose, il serait au moins loin de sa mère. La forêt interdite, une réserve naturelle protégée en périphérie de Grimhold, était gigantesque. Les rayons oranges d'un soleil qui les avait écrasés toute la journée fusaient entre les chênes centenaires éblouissant. Une multitude d'oiseaux s'appelait depuis les cimes en une bruyante cacophonie. Des insectes frombissaient dans la lumière en scintillant comme de minuscules fées. Adossé à un énorme tronc à la lisière des bois, Sirius l'attendait. Ses bras croisés sur un t-shirt noir étaient d'une pâleur lunaire. Ses cheveux mi-longs étaient plus disciplinés que la dernière fois qu'il l'avait vu, mais la chaleur collait des mèches sombres à sa gorge. Sa peau luisait de transpiration et donnait l'impression d'émettre sa propre lumière froide. Son visage lisse, à la même beauté sans âge que celle des femmes de sa famille, était détendu, patient. Rémus chercha des traces d'espièglerie dans son regard, un indice qu'il se prépare à se foutre de lui, mais n'en trouva pas. Sirius décroisa les bras et se redressa. Il esquissa un sourire étrange, puis sa silhouette fondit dans une indescriptible chatoiement. À sa place se tint soudain Padfoot. Rémus, qui s'apprêtait à avancer vers Sirius, se figea. Son cœur s'emballa et ses paupières clignèrent frénétiquement, comme pour forcer ses yeux à retrouver prise avec la réalité. Il chercha Sirius, le corps tendu et les membres frémissants, refusant de se rendre à ce que son esprit voulait lui imposer comme une évidence. Sirius ne pouvait pas venir de se transformer en chien. Sirius était un humain, certes particulier, mais un humain tout de même. Sirius arrêta son regard sur Padfoot, qui s'était assis dans la bruyère. Il pencha la tête sur le côté, les oreilles dressées, et agitait de soubresauts. Sa queue frappait doucement le sol. Il se remit debout et se détourna de lui pour entrer dans la réserve illuminée d'orange. Il fit quelques pas, puis jeta un coup d'œil en arrière et jappa. Avec une inspiration tremblante, Rémus retrouva l'usage de son corps et se mit en marche pour le suivre entre les arbres. Rémus était guidé par un chien à travers la forêt, un chien qu'il connaissait depuis son enfance, un chien auquel il avait donné un nom, un chien qu'il avait caressé, auprès duquel il avait cherché du réconfort à ses tourments d'adolescent, un chien qu'il avait laissé lui lécher le visage et les mains. Un chien qui s'avérait être Sirius Black. Au-delà de la mortification, ce fut l'horreur qui pesa de tout son poids sur Rémus. S'il acceptait que Padfoot et Sirius soient le même être, il devait accepter que les femmes de la famille Black étaient des sorcières et qu'elles savaient ce qui lui arrivait. Il devait accepter que la pleine lune allait assez l'affecter pour qu'elle préconise qu'on le tue avant qu'elle ne se lève. Tout ce qu'il avait refusé de croire, tous les doutes et toutes les inquiétudes qu'il avait enfouis ressurgirent pour le prendre à la gorge. Il ne se souvenait pas comment c'était arrivé ni qui lui avait fait ça, mais il avait été mordu. Sa guérison surnaturelle avait éradiqué les maux dont il avait toujours souffert. La magie existait, et avec elle, les créatures dangereuses qui peuplaient les histoires pour enfants. Et il était sur le point de devenir l'une d'entre elles. Au-dessus des arbres, le ciel lui sembla soudain trop sombre. Le chant des oiseaux, une marche funèbre. Les branches, à contre-jour du soleil, qui disparaissaient, des doigts décharnés prêts à l'attraper. Padfoot, avec son pelage luisant, un guide familier et silencieux vers son trépas. La panique le saisit et l'empêchait d'avancer plus loin. Il se tient à un tronc, les jambes tremblantes et un gémissement coincé dans la gorge. Sa cage thoracique comprimait ses poumons, les lignes épaisses des arbres s'embellèrent, le sol percuta ses genoux. Autour de lui, la forêt s'obscurcissait et l'écrasait. Un sifflement vrillait ses tympans. Son cœur pulsait dans sa gorge. Rémus, une main fraîche se posa sur sa mâchoire. Rémus battit des paupières avec un frémissement. Une plainte expirée, puis une inspiration étranglée, ramenèrent la lumière dans son champ de vision. Sirius était accroupi devant lui, le visage soucieux. Il y avait de la peur dans son regard. Craignait-il qu'il le tue? Craignait-il de devoir le tuer? L'emmenait-il au milieu des bois pour le poignarder avec une lame en argent? Tu as vraiment une solution? Réussit-il à croasser? Oui, mais il faut qu'on se dépêche. La vision de Rémus se voila. Il renifla et passa son poignet sur ses yeux pour les débarrasser de leurs larmes. une solution qui n'implique pas que je meure ? Interrogea-t-il avec un rire grinçant. Tu ne vas pas mourir, assura Sirius en lui attrapant le coude. Il se redressa et le tira pour l'encourager à l'imiter. Rémus tituba, le souffle court. La mélodie dissonante des oiseaux s'était éteinte. Les derniers rayons coloraient le ciel de violet. Les premières étoiles apparaissaient au-dessus des cimes. Alors qu'il étouffait quelques secondes plus tôt, Rémus frissonna dans la soudaine quiétude. Il frotta ses bras couverts de chair de poule. La panique faisait encore résonner son cœur dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu es ? Un sorcier ?» Sirius lui offrit un sourire crispé et haussa les épaules. « Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Moi ? Rien. » Son regard pétilla dans la faible luminosité. « C'est toi qui vas faire tout le travail. Je dois faire quoi ? Tu vas devoir sculpter un cœur avec des brindilles. » lui annonça Sirius. Il se baissa pour ramasser une tige sèche qu'il brandit devant lui. Ses yeux se perdirent soudain dans le vague, quelque part derrière Rémus, qui le fixait avec incompréhension. Il sembla tendre l'oreille. Après un instant, il frémit, puis se secoua. « Tu peux commencer maintenant. Prends toutes celles qui attirent ton attention pendant le reste de notre marche, et donne-leur la forme d'un cœur humain. » Perplexe, Rémus tendit une main hésitante pour attraper la brindille, mais Sirius la jeta au-dessus de son épaule d'un geste désinvolte. « Pas celle-là, je l'ai touchée. »« Qu'est-ce que... Pourquoi un cœur ?» interrogea Rémus en laissant retomber son bras. « Tu verras. » Il pivota sur ses talons et s'éloigna d'un pas presque dansant, une ligne sombre aux bras lumineux entre les arbres centenaires. Rémus se frotta le visage, le corps raidi par l'angoisse, puis obéit. Il était assis en tailleur dans une étroite clairière au milieu de laquelle Sirius était allongé pour patienter. Il tenait entre ses mains une masse sèche, flétrie, dont dépassaient des petites branches fourchues. Tant bien que mal, il la modelait à l'image d'un cœur. Le sien battait bruyamment dans ses tempes. Il ne pouvait s'empêcher de lever régulièrement les yeux vers la cime des arbres. La lune n'était pas visible, mais il était persuadé de la sentir émerger de l'horizon. Il la percevait comme s'il avait hameçonné ses côtes pour tenter de le tirer vers elle. Elle l'appelait. « Je pense que j'ai fini. » Sirius roula dans l'humus et se redressa sur un coude. « Parfait, fais un trou et enterre-le. Hein ?» Sirius ne répondit pas. Il se contenta de le scruter de ses yeux qui semblaient luire comme la lame d'un couteau. Des lames d'argent. Rémus avala sa salive, la gorge sèche. Dans le silence entrecoupé du chant des insectes et des appels d'oiseaux nocturnes, le craquement d'une branche le fit tourner brusquement. « Enterre-le, Rémus. » Il serra les dents en fouillant l'obscurité des yeux. Il n'y trouva rien et abandonna ses recherches. Le cœur posé à côté de lui, il décroisa les jambes et se mit à genoux. Il creusa. « J'ai l'impression d'être un chien. » murmura-t-il, les mains enfoncées dans la terre meuble. Le rire de Sirius résonna autour d'eux, joyeux, enfantin. Rémus esquissa un sourire grimaçant, la tête baissée vers le trou en formation et la nuque chaude malgré la fraîcheur ambiante. Après quelques minutes, il s'assit sur les talons et reprit le cœur de brindille. Il le déposa dans la cavité, terriblement conscient du sien qui battait avec force contre ses côtes. C'était tellement étrange. Il ne faisait rien de mal. Ce n'était qu'enterrer quelques branchages dans la forêt, mais ça lui paraissait bien plus grave que cela. Ses doigts tremblaient lorsqu'ils émergèrent du trou. Il observa son œuvre un instant, soudain saisi par l'aspect glauque de la situation. Des tiges sèches, des brindilles agglomérées en ventricules, des rameaux tordus en guise d'artère, la pénombre du crépuscule, un trou creusé de ses mains, au beau milieu des bois. Était-il en train de s'enterrer lui-même ? Il leva les yeux vers Sirius, mais celui-ci s'était rallongé, sur le tapis de feuilles mortes. Il avait croisé les mains sur sa poitrine et fermé les yeux, tel un séduisant cadavre. « Enterre-le, Rémus, » répéta-t-il d'une voix douce. Rémus enterra son cœur. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux, cachées puis dévoilées par les ondulations de la canopée. Une brise que Rémus ne sentait pas sur sa peau moite faisait chuchoter le feuillage. La chaleur qui émanait de la terre sous son dos l'enveloppait dans un cocon. Les arbres le cachaient aux yeux du ciel, et pourtant, il se sentait inexorablement happé. Ses membres se mirent à frémir. Son rythme cardiaque s'accéléra. Son regard, accroché à la nuit, se brouilla. L'air entrait et sortait de sa poitrine en sifflant. Ses narines s'emplirent d'une étouffante odeur de décomposition végétale. Ses tympans vibrèrent avec la clameur des insectes, le cri des oiseaux nocturnes et le hurlement des feuilles. Ses doigts s'enfoncèrent dans le sol tels des griffes. Il y eut un murmure à côté de lui, puis la tête de Padfoot se posa sur son torse. Son poids rassurant l'arracha un instant à sa terreur. Il cligna des yeux et des larmes fraîches roulèrent jusqu'à ses oreilles. Un foudroiement. La douleur l'aveugla soudain. Transpercé, il se tordit pour tenter de lui échapper. Mais elle était là, partout. Elle enflammait ses nerfs et faisait fondre ses muscles. Ses gémissements se muèrent en cris qui s'éraillèrent dans sa gorge en fusion. Ses articulations craquèrent, ses os éclatèrent, son corps explosa, et l'obscurité l'engloutit. Lorsqu'il reprit conscience, son cœur faisait vibrer la terre. Les battements résonnaient dans ses pattes en une mélodie rassurante. Il ouvrit les yeux pour voir ses halètements soulever des morceaux de feuilles devant sa truffe humide. Aplati sur l'humus, Padfoot l'observait. Ses pupilles noires avalaient le ciel, les étoiles luisaient sur son pelage et la lune caressait ses oreilles frémissantes. Patient, mais alerte. Amical, mais prêt à fuir. Ses yeux le suivirent avec attention lorsque Rémus se redressa et il l'imita avec lenteur. Rémus huma l'air. L'odeur familière de Padfoot dominait sur les effluves de la forêt. Enivrante, elle lui rappela ses après-midi d'été où il l'avait croisée sur la route pour revenir de l'école. Il sentait la chaleur, le soleil, les centaines de plantes qui avaient frôlé sa fourrure. Il sentait l'animal, la vie, la nature. Animé par un réflexe étrange, Rémus enfonça son museau sous sa gorge et inspira à nouveau. Son cœur palpita sous ses coussinets. Padfoot couina et sa tête pesa contre la sienne. Son souffle agita les poils de sa nuque. Une vive fragrance musquée alerta Rémus. Elle ne provenait pas du chien. Il s'écarta de lui, tendu, et fouilla les environs du regard. Un craquement retentit, puis d'énormes bois émergèrent de l'obscurité. Un gigantesque cerf entra dans la clairière d'un pas mesuré. Ses grands yeux sombres rivés sur lui. Un rongeur posé sur sa tête tremblait entre ses ramures. Subjugué, Rémus se figea. Il n'avait jamais vu le cerf d'aussi près et son point de vue, actuel, bien plus proche du sol, le rendait plus imposant encore. Padfoot, lui, sortit de son immobilité pour rejoindre les nouveaux arrivants et percuta une patte de cerf sur son épaule. Le geste affectueux fit souffler l'animal qui baissa la tête pour frotter ses naseaux contre la tempe du chien. Padfoot remua vivement la queue. Il se tourna à nouveau vers Rémus, la langue pendante, puis coucha l'avant de son corps contre le sol. Avec un regard espiègle, il secoua son arrière-train. Son jappement agita la nuit autour d'eux. Sous la terre chaude, l'excitation du jeu fit pulser le cœur de Rémus. La forêt était sienne, les arbres aux racines enlacées étaient siens, la fraîcheur de la nuit, son enivrante odeur boisée, la chanson d'une nature qui respire était sienne. Les heures filèrent comme les étoiles au-dessus des cimes, et Rémus les passa à bondir, courir, renifler, explorer. Il poussa et coursa Padfoot, il prit le rat en chasse et fila entre les pattes du cerf avec un amusement enfantin. Il débusqua de petits mammifères dans les fourrés, les pourchassa sans jamais les attraper, et roula dans les feuilles. Jamais il ne s'était senti aussi libre. Jamais il ne s'était senti aussi bien dans son corps. Il ne voulait pas que la nuit disparaisse. Mais déjà, il sentait son énergie décroître avec la course de la lune dans le ciel. À bout de souffle, il retrouva l'étroite clairière. Il leva les yeux vers les cieux, peu visibles à travers la canopée, et déploya sa gorge. Son cri, d'abord hésitant, s'accentua sous les aboiements de Padfoot et le bramant amusé du cerf. Il s'aplatit au sol lorsque les premières douleurs vinrent foudroyer sa colonne vertébrale, puis se recroquevilla sur lui-même en gémissant. Il fut à peine apaisé par le poids de la tête du chien sur son épaule. La lune sombra, il faisait encore nuit lorsque son regard humain se tourna vers le firmament. La forêt était comme suspendue, dans l'attente du lever du jour. Les arbres étaient immobiles, les oiseaux et les insectes s'étaient tus. Contre son dos, son cœur battait avec lenteur. Rémus ferma les yeux, épuisé. Ce fut une conversation chuchotée qui le sortit de sa torpeur. Trois voix, dont celle de Sirius, qui échangeait à propos d'un loup-garou à retrouver, et d'un Régulus à tirer de sa captivité. Fourbu de douleur et l'esprit englué, Rémus ne réussit même pas à émettre le gémissement coincé dans sa gorge. Ses muscles brûlaient, ses articulations l'élançaient, et il ne savait pas si cette souffrance était due à une nuit passée à courir ou à ses douloureuses transformations. Mais il arrivait à peine à se concentrer sur les murmures qui l'entouraient. De brèves salutations, un couinement enthousiaste, le bruit de sabots étouffés par la terre meuble, des vibrations sous ses mains, une pulsation contre ses omoplates, la terre chantait dans son dos et la forêt reprenait vie. Il était enraciné en son centre, lié à ses enfants dont les doigts s'entrelaçaient sous la surface. Il était un nœud dans le réseau. Ses rhizomes s'étendaient palpitants jusqu'à l'orée de la forêt où il sentit le cerf et le rat disparaître de sa conscience. Un déchirement. Il frissonna, perturbé par cette étrange sensation de perte. Son esprit tâtonna dans l'immensité comme pour chercher à remplir le vide. La vie grouillait autour de lui, dans les kilomètres de galeries, sous les tapis de feuilles, parmi les fougères, le long des troncs et jusqu'au sommet des arbres chauffés par le soleil naissant. Des milliards d'insectes grattant, rampant et vrombissant. Des milliers d'oiseaux chantant, picorant et volant. Des centaines de mammifères fourrageant, reniflant et sautillant. Et parmi eux, un chien. Était-ce parce qu'il était tout proche ? Sa présence, même dans cette multitude, envahit ses sens étendus. Il pouvait percevoir sa fatigue et son soulagement, il pouvait sentir cette étrange lumière qui l'habitait, l'éclat familier d'un adolescent insaisissable, ce petit quelque chose de magique qui l'avait fasciné avant de disparaître dans la nature. Padfoot se coucha le long de son bras et posa la tête sur son épaule. Un soupir caressa sa gorge. Rémus ouvrit péniblement les yeux. Le ciel s'était éclairci et les étoiles avaient disparu. Les plus hautes feuilles, illuminées par un jour à peine levé, semblaient nappées d'or. Les oiseaux, diurnes, piaillaient dans les arbres. Rémus leva une main avec difficulté. Ses doigts s'enfouirent dans le pelage de Padfoot, qui nicha sa truffe froide sous sa mâchoire. Il la gratta avec lenteur derrière l'oreille. « Merci. » Il n'était pas certain de comprendre ce que Sirius avait fait, ni pourquoi, mais il ne s'était pas transformé en monstre sanguinaire. Il n'était pas mort, un poignard en argent enfoncé dans les côtes. Il était devenu une partie de la forêt, et elle était devenue une part de lui. Et sous la terre, son cœur battait au même rythme que celui de Padfoot.